Sur deux jours, je crois pouvoir le faire moi-même. Au lendemain, je croise le fer avec moi-même. En vrai, je prends grave cher, je m'amène le cahier comme si je taillais ma chair, ma veine. Amen. Au départ était le verbe. Au départ était le verbe. J'ai trop de verbes pour ne parler que de verges. Vois mes vers, mes vices, mes vertus des vers. C'est quand je converse avec la feuille vierge. C'est pas gagné quand je vois que tout converge à nous condamner. Notre propre bouc émissaire, c'est sûr, avant de capter qu'on est tous des êtres humains, tous dans la même merde et on se chie dessus. Communauté égale ennemi commun. Quelques cadres, histoire de s'envoyer en l'air. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Pour que ça se mette en place. Partir dans l'espace, décoller haut, haut dans les airs, hein, quelle que soit l'heure. De temps en temps, qu'est-ce que ça fait? Let me taste you. Come on, let's get far away. Let me fly, let me listen to you. Tell me that the earth is flat, just to say. Le son part dans tous les sens. J'ai envie de rester dans la cadence, mais on continue à donner ça. On s'en fout, on est là, quoi. C'est le truc, respirer. Le silence n'est pas un oubli. C'est ça qu'il faut, donner de l'amour, donner du love autour de soi. Le message est là. Même en improvisation, tu sais que je fascine et je ne sais que dire, mais on s'en fout, on est là. Et je dis quatre fois les mêmes trucs, mais je m'en bats le huc, tu sais que j'assure et je continue pour te lâcher un fond qui tue, un son qui tue, un truc, n'importe. Un peu de francophone sur Ninja, heureusement sinon mon âme capoterait. Et Cyril, prends la basse. Ok, yeah. Ok, yeah. Ok. Ben oui, je taffe. Pas de panique, je suis au boulot soumettif. J'ai un canif tactique. Du ciboulot quand d'autres s'étouffent. Trop sadique, du boulot, on mangera pas à bout de souffle. Comme un asthmatique sous l'eau. Et pourtant, je manque pas d'air. Comme le grognement d'un tigre. Je suis comme le maniement du sabre. Tu pensais me taiser, mais j'ai des raisons d'espérer des lésions. Ouais, c'est ça. Mélange l'impro et les textes, gars. Tout s'échappe. Mais c'est pas grave, je suis là et je frappe. Ok, je taffe. Je suis au boulot. Oui, je taffe, pas de panique, je suis au boulot soumettif. J'ai un canif tactique, du ciboulot quand d'autres s'étouffent. Trop sadique du goulot, je rappe à bout de souffle, comme un asthmatique sous l'eau. Thank you. Microphone tous les jours, toi-même, tu sais. J'kicker le mic, j'kicker le mic. J'kicker le mic, j'kicker le mic. J'kicker le mic, j'kicker le mic. J'kicker le microphone tous les jours. Yeah. Ok. Ah. Ok. Ok. Ah. J'ai pas rapper pour les meufs et le cash. Il en faut, mais là, j'te parle pas de money. Nada, je te promets que même pour une bonne paire de surf et plein de haches, c'est faux. Je vais pas me cartonner, ni bagardonner, je suis un type tout doux. Je frappe pas mes caresses, malgré ma paresse, mes rap tard et paresse, à ce qui paraît, je suis fou. J'ai de la malice, mais pas de réalisme, m'en fous, je veux juste ma mise. Je rappe pour le love, je suis même pas anti-police. Y'a des CRS pacifiques, et dès qu'on est pacifique, que ça, je rappe, je te sauve, Mimis. Oh, dans ton crâne profond, dans ton cœur, je glisse. Et ouais, je rappe pour le love, miss. Des fois j'ai l'impression que j'innove, fils. Je rappe pour le love, peace. Appelle-moi rap Safari. Moi j'aime pas ça quand ça tape Safari, mais je fais tout pour que tu bouges ton tafanari. Quatre faces facile et les rap passent chari. Mais quand tu cherches un vrai MC, abracadabra, j'arrive. Bugs, tu dis trois fois mon nom et j'apparais. Beetlejuice, la cas bien se tenir. On a plus qu'à partir. Bad, je dis trois fois mon nom, tu vas trop vite. Alors, hein? Ok. J'ai beau essayer, mais je peux pas. Non. J'ai beau pagayer, pagayer tous les jours. Être l'être humain que je voudrais, je peux pas. Mes lettres, j'ai beau bégayer, bégayer. Et va savoir pourquoi je continue d'y croire alors que chaque jour l'histoire se répète. Hein? Ça fait mal et ça pique les yeux. Mate la panique, grave comme ça nique, sérieux. L'espoir et son côté titanique. Mais je veux passer pour ça que je me fais passer pour celui qui roule un pétard en forme de baguette magique. Une canette de la zik et je fais disparaître mes cauchemars. Ce serait mortel si c'était si facile que ça. Mais on est des marionnettes avec des ficelles cassées. Des mythos bons qu'à se défoncer. Le casque foncé dans le fossé. C'est tout ce qu'on va faire de la caisse. Mais la question c'est qu'est-ce que t'en dis. Bien on se met sec comme des cons en s'enquillant quelques brandis. Ou bien on évolue, bien je réunis Bugs le tendu, Bibo les Rudy. J'ai beau essayer, je peux pas. Et j'ai beau pagayer, pagayer. Être l'être humain que je voudrais, je peux pas. Mais l'être, j'ai beau bégayer, bégayer. Si je pouvais être incisif calmement, frère, j'irais des tas de choses, des tas de choses. J'ai le principe actif pour le médicament de quoi faire. Des tas de doses, des tas de doses. Apprends à être sans liasse avant que ça se mette en place, avant que ça pète en masse et j'acte. Cause, fais gaffe, ça s'organise dans ma tête. Mes baffes m'ont traumatisé la planète exacte. Pause, c'est des briques ou du rap conscient. Je te laisse décider, j'en ai rien à foutre. J'expose mes tripes et mes cartes, conscience explose. Les faux chips en passant, qu'est-ce que t'as contre ça? Qu'est-ce que tu racontes ça? Fait des années que je remplis des cahiers de comptes sales et de tas de constats. Check, test, test et affronte ça. Comme la peste ou ton propre reflet de Waklop ça. Ce texte, du Lego pour les mecs et l'ego. J'suis frais comme l'herbe, t'es dead comme le mégot. Des années que je rappe, j'suis toujours en mode intro. Attends que ça parte, attends que j'écrase mon bédo. En vrai, j'suis en soum-soum, comme un indique, pour ça que j'te soum. Comme un lundi, les 365 jours, comme Vivaldi, histoire d'attirer la foule et de me défouler, pardi. Je marche un sourire au bec. Il était temps que je prenne le micro pour pouvoir vous dire avec à quel point j'aime le sud, la chaleur. J'aime l'air pur, la saveur d'une soirée de bâtard avec les potes sans trop calculer l'heure. Le sud c'est ma maison, l'été c'est ma saison. Je me perds entre folie et raison, c'est lui qui fait ma liaison. Désolé pour Vitrolles, Orange et Toulon. Mais bon, faut croire que le soleil tape plus fort sur la tête des cons. Par tête des pions qui répètent tes leçons. Mais je vais te mettre des nions pour ce que moi et ces mecs craignons. Aïe. Tu vas suivre tout ça. Fait ce qu'on peut, mais on est là. Yeah. Ça t'apprendra. Essaye de kiffer ça, hein. Si tu fais ça salement, on dira même en allemand que c'est bon ce que tu fais, gars. Car il y a toutes sortes de nationalités ici. Alors reste, tu fais ce que je te dis, ou sinon tu vas choper la peste. N'importe quoi, c'est pas grave, on kick quand même. En improvisation, on s'organise avec le thème, avec le beat aussi. Tu sais que je fais ce que je veux, je m'amuse un petit peu. C'est ça, quelques rimes lâchées en l'air. Kick ça, avant même qu'elles retombent par terre. Quoi, des images dans ta tête. Tel que si t'avais fumé un gros pet. Alors, tu sais que ce soir c'est la fête, hein. Normal, ah, on fait ça. Tu cliques check, one, two, micro test. Ok, moi je veux du hip. Et puis du hop dans mes oreilles, du poum, chakaraka poum, dans mes tympans. Du son qui surprend, du son qui réveille, du punk, du funk, du zouk, du son qui détend. Appuie sur play et décolle aussitôt, bouge la tête comme le fait le point sur un oscillo. De bas en haut, de haut en bas, et tu t'en bats les couilles tant que le son est là, tu t'en bats. Bah ouais, la leçon est là, tu m'en mal. Comment veux-tu pouvoir prêter de la thune sans maille? Comment inspirer la joie, esquiver la loi? Comment feinter, comment lutter, comment ça va toi? D'ailleurs tu deviens quoi? Et me sors pas de mytho. Genre vente de coca, ces jours prolongés au comico. Car tu sais quoi? Tu n'as que l'odeur du psycho. Donc baisse les bras et va plutôt laver tes chicots. Va plutôt laver tes chicots. Tu n'es qu'un minot, tu penses pensé me dominer. Va donc jouer au domino avec tes cheveux gominés. Tu n'es qu'un ego, Titi et moi gros minet. Comme Bernino, elle je croque un oiseau au dîner. J'ai pas terminé, juste ouvert le robinet. Je check le micro, large pour te piner. Bande dessinée, je pèse les mots comme 13 les faux. Fais gaffe, tu vas grave halluciner. Tu fesses des go, non c'est du ciné. Tu check des gros et la ferme avec ta dulcinée. Tu aimes les hauts, allez va tapiner. Retrouve tes copines et on se retrouve dans la matinée. Tu testes mes bros, non mec c'est faux. Je te pète les os, et même les pros en perdent les mots. J'ai dit tu testes mes bros, non mec c'est faux. Je te perce les os, prends le numéro perso du kiné. Je vais t'exterminer, te faire du mal, te ruiner. Te brancher au sang, va volter, tu vas t'illuminer. Dans une grange, bottes de foin, couteau. Le type est là, il est chaud. Toutes sortes d'ambiance. Yeah. Okay. Imagine la scène au ralenti. Bar mal famé, mec, pas gentil. Vulgaire sont les quelques femmes. Ok. regard enfumé, regard en coin, rien que la crème pour ces gars-là. Sourire, c'est fini, robe rouge débarque. Cheveux d'ébène, le comptoir se casse la nuque. Je me démène, je sais ce que boit la demoiselle. Aux yeux de gazelle, donc je mène un peu de vodka. Et ce qui donne des ailes pose le verre en silence. Elle ne calcule pas, et à chaque pas, on dirait qu'elle danse, on dirait qu'elle pense que le monde n'existe pas. Je n'insiste pas, car je sais ce qu'elle manigance. La dame travaille, je ne vais pas l'embêter. Les proies vont s'empêtrer, leur cœur, pas de taille, ni leur porte-monnaie. Pas assez de mailles, et moi je smile. C'est avec le barman qu'elle va rentrer. C'est avec le barman qu'elle va rentrer. Yeah. Mec, je veux qu'on fasse des trucs ensemble, je veux qu'on rappe ensemble, yes. Mais surtout, je veux ta sœur. Sérieux, je t'ai dans le cœur, mec. Juste à côté de ta sœur. Ça fait un moment que je veux te dire, j'aime ce que tu fais, tout tralala. Mais ta russe, je vais la séduire, elle me fait kiffer. Trop de blabla là, sérieux, parle-moi de ta sœur. Elle fait quoi? Elle est où? Je veux tout savoir avec le meilleur. Assure mon pote, arrange-moi le coup. T'es mon pote ou pas? Je veux que tu me maques avec ta sœur. Que tu capotes ou pas? Je m'en bats l'air, sois fort, assure. Sérieux, t'es mon pote ou pas? Je veux que tu me marques avec ta sœur. Entre nous, pas de censure. Moi comme beauf, t'en penses quoi? Tu trouves ça bof? Moi avec ta sœur. Décider d'omettre un détail pour ça décéder, omelette avec tes entrailles. Tu peux dire tout, penser bien faire et froisser un frère. Finir au fond d'un trou, tu peux la séduire ou la faire teaser, la faire sourire ou l'alcooliser. Fais gaffe au karma, tu peux avoir son tarma, mais Zahma joue pas les pourris quand on traite de tarba. Le texte au bord du cerveau. Conscience. Vous êtes con, je pense, gens du capital, vous êtes consciencieux. Nous, on a la dalle, la fougue et le bon sens. La foule et la bon sens, ce soir, c'est affolant, c'est la folie dans l'ambiance. À vous de foutre le boxe, faut allumer le faille, à foutre le bordel dans la France. Vas-y, perturbe la place. La weed est pure, ça casse, la vie est dure, ça brasse. Comme un con, tu gaulerie devant ces clowns, sans le babybel sur la face. Mais eux aussi doivent se marrer, tant que tu votes docile, eux peuvent se parer. Ils appellent ça démocratie, bande d'enfoirés. 200 ans d'oligarchie, quelle femme de taré. Mais moi, comme un vieux singe, j'observe et déduis que vos grimaces, c'est votre linge, que votre savoir est réduit. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Naturel, primitif, un animal, instinctif, bestial. Comme un oiseau, je sais. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Je suis un lion, un animal, sois mignon. Si tu ne veux pas goûter à ma dentition. Je suis un chat, je m'en fous de ta vie. Et en plus de ça, bah c'est ma place ici. Un chien, je t'ai trop senti arriver. Mais bientôt tu seras reparti. Allez bye bye, salut, bien essayé. Mais nous on voulait être libres. Toi tu voulais la certitude d'être payé. Et nous juste peut-être vivre, Zoulette suivre comme des animaux crier. Lève les bras liés, croire que c'est beau la vie, comme chez Haribo. Toi tu voulais des lingots malgré les paperasses, amasser les liasses qui t'a donné ton plein. J'en ai déjà dit trop. La frousse j'en ai pas, je suis chaud. La bourse c'est du casino, v'là le casmino. Je suis pas Casimir pour me calmer, faut quasiment une camisole et 4 schizo. Ramène des fous qu'on jacte. L'affaire est triste avec les gens sains d'esprit. Amen et tous vont se battre. Au nom de la paix, pas du vice, lance un défi. Arrête le full contact.